Jean-Charles de Castelvajac, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Bonjour. Le créateur designer avec Alain Soral, avec Jacques Maillot, avec Karim Zeribi, Olivier Truchot. C'est vrai que ça fait 20 minutes qu'on parle d'habillement, de vêtements. Oui, autant donner la parole à un professionnel. Moi je viens de vivre une très très belle expérience parce que j'ai été sollicité par la Tour Eiffel pour refaire tous les uniformes. Et je me suis aperçu que dans le milieu de l'entreprise, une institution comme cette dame qui a plus d'un siècle, il y avait des avis qui divergeaient. C'est-à-dire que je me suis mis soudain à l'écoute de tous les employés, de toutes les différentes institutions à l'intérieur de la Tour Eiffel. Et effectivement, il y a des employés qui veulent garder la cravate, il y en a d'autres qui veulent être en chemisette, il y en a d'autres qui veulent être en parka, il y en a d'autres qui veulent être plus formels. Le tout, je crois que la finalité, c'est que dans son travail, on se sente bien. Et ça, je pense que c'est la grande évolution de ces dernières années. C'est-à-dire C'est-à-dire que si on est dans stressé... Dans ces là, on se met tous en short. On est mieux en short qu'avec un pantalon. Non, je pense qu'on va pas jusque-là. Bien tout dépend encore le métier qu'on fait. Moi, par exemple, quand je vois dans mon studio de création, c'est à qui viendra habiller d'une manière le plus originale pour provoquer l'imaginaire de l'autre. Tous les métiers récents qui sont apparus, les métiers du disque, de la production, les métiers qui viennent d'Internet et tout, sont aussi des métiers qui ont ouvert la porte à une autre manière de s'habiller, plus hip-hop peut-être, plus transversale. Plus transversale, quand je dis transversale, c'est entre le week-end et le travail. Mmh. Je crois qu'il n'y a plus de diktat en matière de mode. Et le costard cravate. Il y a toujours le respect de l'autre. Jean-Charles de Castelbajac, et le costard cravate. On va vers la fin de l'uniforme. En dehors de ces dérives un peu hasardeuses de certains cadres français qui mettent des petites chaussettes avec des spirous ou des rintintins dessus, il a bien chaussettes sa place. Chaussettes de tennis mocassin, c'est un classique. Oui. Blanche en général. Le costard cravate a bien sa place et je dirais même. Modigliani. Pardon. Allez-y, Castelbajac. Je dirais qu'en France, il y a moins de fractures qu'en Angleterre, que chez les anglo-saxons, entre les gens de la city, les gens qui s'habillent d'une manière formelle, et les autres. C'est-à-dire qu'on porte le costume d'une manière un peu plus cool, je dirais, un petit peu plus, un peu plus relaxe que chez les anglo-saxons, et que chez les Italiens, qui eux poussent ils sont beaucoup mieux habillés que nous, à l'extrême. Il y a peut-être aussi une évolution, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements, on peut s'habiller pour pas cher et on peut trouver des costumes cravates pour pas cher, alors qu'avant c'était il y a une vraie différence là aussi qui se jouait sur le coût des vêtements. Et puis non seulement cela, mais évidemment au niveau du prix, le sportswear aujourd'hui coûte aussi cher, sinon plus cher que le costume classe. Avant on se payait, et on voyait un petit peu aussi sa représentation sociale à travers le costume. C'est plus le cas aujourd'hui. Les Nike sont bien décontractés. Plus cher que les mocassins. Bah oui. Aujourd'hui les Nike. Il y a quand même toujours une hiérarchie par le pouvoir d'achat et les gens qui connaissent les signes ne s'y trompent pas. C'est-à-dire quand on a les moyens d'acheter du Dior, même si c'est, on a l'impression que maintenant Dior, on se demande si c'est pas des tenues pour prostituer du bois de Boulogne, mais quand même c'est du Dior. C'est-à-dire que la hiérarchie est toujours la même. Il y a ceux qui ont les moyens de se payer les trucs chers et ceux qui n'ont pas les moyens. Et il y a le string cher, le string pas cher, et les imitations. Il y a toujours une hiérarchie et il y a toujours des gens qui maîtrisent très bien les codes. Et malgré tout, ça revient au même. C'est-à-dire que dans le temps, celui qui avait le costard sur mesure, enfin je sais pas, j'ai toujours fait la différence entre Giscard et un syndicaliste, même s'ils sont tous les deux en costard à la même émission. Il y a celui qui a le costard sur mesure à 20 000 balles chez un grand tailleur, et puis celui qui a le truc thermocollé à 20 francs. Quoi. Oui, mais avant, c'était un costard. Il y avait le costard des riches et le costard des pauvres, mais il y avait le costard. Oui, aujourd'hui, il y a une mode vestimentaire qui a changé, et pour autant, en apparaissant décontracté, on peut dépenser quand même. Mais ça revient au même, parce qu'il y a ce vêtement taquini et ce vêtement de marche. Ça marche pas, parce que Bernard Thibault, s'il voulait, il aurait les moyens, il demanderait à sa centrale. Bernard Thibault est toujours en costard, pour pouvoir avoir des costards qui sont. On voit qu'il dépense pas des fortunes chez le tailleur. Mais parce que ça pas tous en même temps. Ça choquerait les ouvriers de voir Bernard Thibault avec un costume Dior. On va remercier Jean-Charles de Castelbajac et s'adresser à un patron. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Tiens, à propos de patron, il y a celui d'RMC qui vient d'arriver, là, de l'autre côté du studio, Alain Veil, toujours impeccable. Pas de Friday Wear pour notre président, Alain Veil. C'est costume bleu marine, je vois loin, cravate rouge. Alain, vous, en tant que directeur de société, en ce moment, vous avez quoi? Vous avez la cravate ou pas, là? Pas du tout. Tout d'abord, félicitations pour votre émission. Ça permet aux auditeurs de pouvoir s'exprimer. C'est super, continuez comme ça. Merci Alain. Merci Alain, bonjour Alain. Bonjour. Moi je suis directeur de société, je suis en bordure de mer. Et c'est vrai que à un moment j'étais souvent en costard cravate. Et puis je pense qu'avec l'évolution, on regarde un petit peu tout autour de soi et on s'aperçoit que la cravate tombe de plus en plus. Ce qui n'empêche pas que Moi, avec mon rôle commercial dans la société, je côtoie des gens, des grands chefs d'entreprise ou des petits ou le petit boulanger du coin. Et ce qui permet d'être un petit peu plus décontracté, non pas que on s'en aille en polo et jeans, etc., mais toujours bien mis. Mais Alain, Alain, lorsque vous avez décidé de vous lâcher, hein, pour reprendre votre expression, de tomber parfois la cravate, comment ont réagi vos employés? Bien. Je dirais que c'est aussi, comme vous disiez tout à l'heure, très important de se sentir bien. Donc, y a des fois, ça dépend de l'humeur. On se sent mieux en cravate en fonction des gens que l'on va rencontrer. Et il y a d'autres fois, on est un petit peu plus décontracté et on se sent très bien aussi. C'est vrai que le costard cravate, des fois, je le mets, ça m'arrive, mais ça dépend beaucoup de mon humeur. Alain, moi je suis entièrement d'accord avec vous, Alain. Vous dites deux choses importantes. D'abord, un, effectivement, il faut se sentir à l'aise. C'est fondamental. On va sur son lieu de travail. Si on se sent un petit peu rétréci et pas à l'aise, on n'évoluera pas avec la même qualité. Et deux, le respect. Le respect des gens avec lesquels on travaille. Si on arrive à faire converger les deux, c'est magnifique. On parlait tout à l'heure du tutoiement. Effectivement, qu'en termes de management, les choses ont changé. La porte du patron, aujourd'hui, elle est souvent ouverte et on peut aller lui faire des propositions, lui tutoyer. C'est une nouvelle forme de management. C'est positif. Maintenant, comme a dit Alain Soral tout à l'heure, si le tutoiement et la porte ouverte, c'est de ma suite derrière dans les relations sociales, ça peut pas aller. Mais moi, c'est plutôt un progrès d'être à l'aise sur son lieu de travail en tenue vestimentaire tout en respectant ses collègues et en pouvant tutoyer le patron. Je voudrais faire une petite remarque parce qu'il y a un contresens. On dit on va abolir l'uniforme pour se sentir à l'aise. Je vous ferai remarquer que les uniformes, la tenue du peintre, la tenue du boulanger, ça avait été créé pour que le mec se sente à l'aise en fonction de son travail et des gestes qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il pouvait lever les bras s'il était peintre, etc., etc. C'était des vêtements qui étaient pensés. Or, il s'est passé quelque chose, c'est que les vêtements de travail ont été beaucoup bousillés depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on a perdu l'intelligence du vêtement de travail. Et aujourd'hui, les trois quarts des vêtements de travail... Non, mais je connais bien le sujet. Hein, j'ai enseigné la mode pendant 3 ans. Et j'ai écrit 2 bouquins sur la sociologie du vêtement. Je peux vous dire que si on prend les vêtements Adolphe Lafond il y a 30 ans, les pantalons avaient du fond, etc., etc., ils se sont adaptés à la mode 70 du prêt-à-porter avec les tailles basses. Le 501 était un pantalon de travail. Mais le 501... Des années 30, était un pantalon ample dans lequel un travailleur américain pouvait travailler. Après, c'est devenu un pantalon sexy pour étudiants de 18 ans américains, James Dean. Et là, ça devient très très inconfortable parce que c'est un pantalon d'apparent pour vous mouler le cul. Et ben là, aujourd'hui, dire on va plus mettre d'uniforme parce que les uniformes, on se sent pas à l'aise, ouais. C'est parce qu'en fait, on a bousillé les uniformes traditionnels. C'est et tout. Dans l'uniforme, l'une des marques de vous l'uniforme. Je vais vous parler d'un truc. Ouais, parlez à un flic de la rue de la tenue de flic moyen qui a été dessiné par Balmain. Il te dit, c'est de la merde, je suis mal dedans, je peux pas bouger les bras, si je prends mon flingue, ça craque dans le dos. Ce sont des vêtements qui sont profondément mal faits. Voilà. Jacques Maillot. Une chose à propos des flics, je suppose que lorsqu'on a changé d'uniforme, j'espère qu'on a consulté à la. Comment Balmain peut comprendre quelque chose à ce que c'est qu'un flic dans son quotidien? Enfin, il y a quand même un directeur. Enfin, moi je trouve. Eh ben écoutez, moi c'est mon métier, les vêtements, il y a une époque. L'uniforme de flic, avec l'espèce de Spencer, etc. Demandez à un flic. Ils ont des pantalons taille basse. Non mais Alain. Ils ont des. Il est à la ceinture, ouais. Il est pas sous le l'aisselle. Est merdique. Il est de mauvaise qualité et mal pensé. Il y a des professions où l'uniforme, c'est important. Je trouve que la moindre des choses, si on veut le changer, si on veut le modifier, c'est vraiment de faire la consultation. Ben, ça n'a pas été fait comme ça. Je vais prendre un exemple. On a mis les vêtements de travail à la mode. Chacun son tour. Jacques Maillot. J'ai présidé une compagnie aérienne, la compagnie Corsair. On changeait tous les 3-4 ans. Les uniformes du PNT... Elles sont très bien faites, les tenues d'hôtesse de l'air, parce qu'il faut qu'elles travaillent. Voilà. Alain Soral, laissez finir. Non, mais simplement, je peux vous dire, il y avait des syndicats, un 14 syndicats chez Corsair, on faisait une table ronde avec l'ensemble des syndicats, et on a même fait des fois des consultations, des référendums, auprès de l'ensemble des 2000 salariés de la compagnie aérienne. Maillot, ministre des Relations Sociales. Mais non, mais ça, je doucement, stop. Mais oui, mais je trouve que c'est dommage. J'ai fini à la poste. Ah, pardon. Maillot, Jean-Marc a failli se faire virer pour port de non-cravate. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. C'est con. Bon, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce que vous faites, parce que c'est rare d'entendre ça, où il y a des débats assez pugnaces, donc c'est super, qu'il faut continuer et ne pas arrêter, au contraire. Donc, merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc et bonjour Jean-Marc. Oui, quelle est votre mésaventure Jean-Marc, alors? Oui. Eh bien, ma mésaventure a été toute simple. Je faisais partie d'une très très grosse société internationale. Laquelle, Jean-Marc? Des noms. Ah, il va perdre au prud'homme. Pour qu'on puisse agir. Voilà, tout à fait. Mais non, mais tu vas gagner, Jean-Marc. Il y a une procédure en cours, donc par respect du PDG qui m'a soutenu d'ailleurs. Auquel je lui reprocherais juste une chose, c'est de ne pas avoir fait Jean-Marc, venons-en, allez. Vers les cadres. Jean-Marc, on en vient au fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous? Alors, allez. Les faits. Bon, ce qui s'est passé, j'étais invité par un directeur régional à me présenter à un studio artistique. Moi, je suis dans le monde artistique de la coiffure française. Et à partir de là, il fallait développer des franchises. Donc, je me suis porté volontaire. Donc, il n'y avait aucune indemnité compensatrice de déplacement, etc. Donc c'était vraiment une invitation. Et de par ce faire, quand je me suis présenté, j'étais habillé costume avec des church et bon, pour ne pas le nommer, un col cheminé Kenzo. Donc je pense que c'est assez correct. Et je me suis attiré les foudres de ce fameux directeur régional. Il m'a invectivé, il m'a convoqué à son bureau. Le soir, j'ai eu une lettre informatisée recommandée en dénonçant ma tenue vestimentaire. Voilà. Ouais. C'est pas la première histoire, hein, Jean-Marc. Moi, je me souviens de ce type. C'était du côté de Rouen qui s'était fait virer parce qu'il arrivait en short au bureau. C'est pas pareil, parce qu'un col cheminé Kenzo, ça peut être plus chic qu'une cravate quand elle est mal choisie, mal assortie. Ouais, là, le mec est tombé sur un con qui avait mauvais goût. Ouais. C'est pas le problème du Bermuda où on voit les poils de complètement différents et les doigts de pied. Alors, les uniformes et les vêtements de travail, comme le soulignait tout à l'heure Alain Soral, ça a donné cette réaction par SMS. Hein. On va rappeler GG comme grande gueule, hein, n'est-ce pas ? On envoie le message, on envoie ça au 61-068 de Jérôme, qui habite Bagneux, c'est pas loin de nos studios, et qui dit « L'infirmière sans blouse blanche, messieurs, ce n'est plus un fantasme. » Et puis, il y a un rebelle qui dit « Moi, je suis favorable au tablier obligatoire à l'école. » 11h34, messieurs, réfléchissons à quoi sert la blouse de l'infirmière. Ça a un sens, pourquoi elle est blanche, comment elle est faite ?